se mwen. Mwen te le pali pa ou pa rakoshe. Ou te si mye wè mwen bifo koute. Sa pa toujou fasil pou nou kon randevou. Mwen sav sa difisil surtout pou vou. Pa ou abandonne, sa ke chanje. Mwen ka fè ou la promesse pou fè ou senti. Mouzik la japati, mwen mèm ja excité. A l'idée ke mwen ke fè ou plè karès. Mwen l'autorès. Plè karès. La parole, mais moi parler au coin moi qu'a fait un wall. On souhaite à moi on vit faire voyager. Ça différent. Attends chez moi l'amour à grand ballon. T'es là tes mots me fait dire longtemps. Ma pouya oui nous connaissie dansier cachaloupé parce nous a sous la voie lactée. Imagine.